Ici Wire, Victor, seul cœur man. Quand ton âme saine et que le mal règne, le monde est plein de fourbes, sourdoués, prêts à flouer et clouer. La première innocente qui voudrait briller, tu te prends garde aux beaux parleurs, le vice de leur paf. Leur chla, c'est pour une pas de face. Ils abusent d'innocence sans regret. Pas chez eux, bien sûr, mais dans d'autres pays en secret. C'est devenu une habitude, donc c'est resté chez nous. Le but de vie, c'est d'ouvrir les yeux s'il y a trop de fous. Et c'est pas ailleurs qui se forme, c'est faire domicile. Avec la bonne norme, on revient à l'âge du fossile. Toutes les grosses têtes de la politique le savent. Mais personne bouge et les morts, les héros des braves. Comme ces stars qui battent sur des femmes qui pourraient être leurs filles. À l'écran, tout est impris. Ici ou ailleurs, petite sœur, le mal est posé. Qui va oser s'opposer à ce putain de blé? Qui dévide la réalité, y'a pas de moralité. Je trouve horrible de laisser des pédos en liberté. Vomis cette semaine, et y'a maintenant 2 mois que tu tournes en rond chez toi. Tout comme le doute dans ta tête se promène. Ton verre s'arrête pour les fringues que t'avais ce jour-là. Ils sortent encore les traînes de la corde et du whisky coca. Ce qui aurait dû être un printemps ne fut qu'un sale hiver. Sans prénom gravé à deux dans la pierre. Sincère, petite sœur, t'en prends pas, t'en rouge à lèvres. Ils voulaient te faire belle, tu sois la reine du bal. Ignorant que beauté, ça réveille l'animal. Le serpent se pointe vite, avide, sachant que vient d'éclore une chrysalide. 30 secondes après, ils sont sans qui salive, sans qui s'active. Faut que le tabou boit un coup, prends-en, tu seras pas dans le délire. Tu voulais grandir, c'était tout. Tournoyant sur la piste, entouré de héros, t'as pas vu venir le plus beau. Alice, croise le réel au réveil à l'arrière d'une Volvo. Vivre jusqu'aux os avec pour seul souvenir et cadeau. Des traces de toi sans visage dans le dos. Innocence partie en embauche. J'entends d'ici ce qu'on exclamait qui s'est marré avec une fille bourrée. Faut pas pleurer, ces choses arrivent. Il faut juste assumer un fragile cœur d'à peine 18 ans dans un corps 25. Et ce reflet dans le miroir qui te dit froidement que t'es enceinte. Des conneries, on en fait tous ces qu'à ton âge. La flèche de l'amour fait mouche souvent. Les garçons partent comme le vent soufflant. Ta plume souffrante caresse les pages du journal intime. Soulevant tes larmes sur les mourants. Chute de courant pour ton petit cœur du chaloupant. Les sentiments qu'il porte sont morts en ouvrant. Comme toi, j'aurais pas aimé qu'on se mêle. Mais j'aurais évité des problèmes si on m'avait donné un conseil. C'est bête, mais c'est important. Cette liberté qui te fut offerte, toujours là, c'est comme une porte de cage qui s'est ouverte. Première chose que t'as faite, t'as tourné la tête. Et puis dormir chez tes copines en courant. Ma petite souris, ça rigole plus, t'as mis le pied chez les grands. Et ça depuis la perte de la première goutte de sang. Jusqu'à ta belle connerie du jour de l'an. Et mes chiens te promettent la terre, ce qu'ils veulent. Une minute sur toi par terre dégoûtant. Quand le meilleur pote dit faire la paire, il commence à t'embrouiller avec un air déroutant. Par amour ton jean se déboutonne. Ils font l'affaire type PD, mérite minimum une belle paire de claques pour la peine. Ils sont partis te laissant à tes craintes. Aller le crier sur les toits, soutirant des sourires de tes plaintes. Comme si c'est pas assez laissé dans le futur une empreinte. Ce bout de papier a changé de teinte, dit que t'es enceinte.